بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qaf, par le Coran glorieux. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Ils s'étonnent qu'un des leurs soit venu les avertir. Voilà qui est étrange, disent les mécréants. Quoi ? Quand nous serons morts et réduits en poussière, nous serons ressuscités ? Ce serait revenir de bien loin. Nous savons ce que la terre rongera de leur corps, et nous avons auprès de nous un livre où tout est consigné. Ils ont rejeté la vérité qui leur est parvenue, les voilà donc en pleine confusion. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons établi et orné? Et comment nous l'avons fait sans aucune fissure? Et la terre, nous l'avons étendue et nous y avons enfoncé des montagnes fermes, et nous y avons fait pousser toutes sortes de végétaux magnifiques. Tout cela à titre de spectacle pour ceux qui regardent et de rappel pour tout serviteur repentant. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Et nous faisons descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous faisons des jardins et des grès qu'on moissonne, ainsi que des palmiers élancés au régime superposé. Comme subsistance pour les hommes, et avec cette eau, nous redonnons vie à une contrée morte, ainsi se fera la résurrection des morts. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Avant eux, on démenti le peuple de Noé, et ceux de Ras et de Samoud, et ceux de Had et Pharaon, et les frères de Lot, et ceux de la brousse, et le peuple des Touba. Tous ont démenti le messager, sur tous se justifie ma menace. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Avons-nous été épuisés par la première création ? Pourtant, il demeure dans le doute au sujet d'une nouvelle création. Nous avons bel et bien créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux anges, assis à sa droite et à sa gauche, recueillent ses moindres paroles et actions, ils ne prononcent pas une parole qu'un observateur installé près de lui ne soit prêt à inscrire. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد L'engourdissement des sens à l'article de la mort fait soudainement apparaître la vérité. Et on dit à l'homme, « Voilà ce que tu cherchais à fuir. » Puis, on soufflera dans la trompe, « Voici le jour dont on vous a menacé. » Alors chaque âme viendra escortée d'un garde et d'un témoin. Tu vivais dans l'insouciance de ce que tu vois maintenant. Nous avons ôté ton voile, ta vue perçoit tout aujourd'hui. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Son inséparable dira : Voici ce que j'ai préparé comme témoignage. Vous deux, jetez en enfer tout rebelle ingrat, adversaire acharné du bien, transgresseur, rempli de doutes. Qui associait à Dieu une autre divinité, jetez-le donc dans le terrible châtiment. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Alors son mauvais camarade, ce démon qui lui était assigné sur terre, dira « Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai amené à se rebeller. » Il était lui-même dans un égarement profond. Dieu dira « Ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà averti. Ma sentence, une fois décidée, ne change jamais. » et je ne suis nullement injuste envers mes serviteurs. Le jour où nous demanderons à l'enfer, es-tu rempli? Il répondra, y en a-t-il encore? من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Le paradis sera rapproché de ceux qui craignent Dieu. Voici ce qui vous est promis, ainsi qu'à tout homme qui revient souvent vers Dieu, qui respecte ses commandements, qui craint le tout miséricordieux en son mystère, et qui vient vers lui avec un cœur contrit. Entrez ici en paix, voici le jour de l'éternité. Ils trouveront là tout ce qu'ils voudront, il y aura encore davantage auprès de nous. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Combien de générations autrement plus puissantes avons-nous détruites avant eux? Mais elles errèrent à travers les contrées, à la recherche d'un refuge. Il y a bien là un rappel pour quiconque possède un cœur et prête une oreille attentive, tout en étant témoin. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve entre les deux en l'espace de 6 jours, sans qu'aucune fatigue ne nous touche. Endure ce qu'ils disent avec patience, ô Mohammed, et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et célèbre aussi ses louanges durant une partie de la nuit et après les prosternations. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le terrible cri, ce sera le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est vers nous que tout reviendra. Le jour où la terre se fendra, rejetant précipitamment les morts, ce sera un rassemblement facile pour nous. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Nous savons ce qu'ils disent mieux que quiconque. Ta mission n'est pas de leur imposer la foi, mais avertis par le Coran celui qui craint ma menace.